Les rouges pétards. L'émission de journaliste handicapé. Au pain de Radio Campus en collaboration avec Neuf Lactal, le musée de zoologie, de l'UMB, le ministère de la joie de vivre, la médiathèque et le CCV. Média. Média. Média. Média. Les rouges pétards, les rouges pétards, les rouges pétards, les rouges pétards. Les rouges pétards, les rouges pétards, les rouges pétards, les rouges pétards. Bonjour, je m'appelle Michel. On est dans la maison Rose Pétard. Présente Nicolas. Moi, je m'appelle Nicolas Hussein et j'aime bien les filles. Présente Loïc. Bonjour, je m'appelle Capitaine Loïc. Et je dis bonjour à toutes les filles de la planète. Présente Fouat. Bonjour, je m'appelle Capitaine Fouat, je vais 34 ans. Bonjour, je m'appelle Fouat, je vais 34 ans. Capitaine Fouat. Je présente Céline. Je m'appelle Céline Martel, correspondant Campus. Je présente Benjamin. Bonjour, je m'appelle Benjamin et je fais un petit coucou à ma petite chérie Nora. Je présente Julie. Bonjour, belle Julie. J'ai déjà 11 ans, Gabriel, je l'aime vraiment. Je présente Alan. Monsieur, Alan a une adorée jolie fille blonde. Merci. Je présente Benjamin. Bonjour, je m'appelle Benjamin et je dis un petit coucou à ma petite chérie, Manu. Et le thème, c'est amour, sexe, brocante. Et l'invité d'honneur, Manon. Bonjour. Manon, je suis très contente de te voir. Moi aussi. Énormément. Moi aussi, énormément. Et tu peux raconter comment on s'est rencontrés? Je t'en prie. Tout a commencé au début de l'année. Elle nous attendait à coup de main pour commencer au sang. On pensait quoi de la Marie-Sanne où elle nous attendait à tant coup de main. Mm-hmm. Voilà. Et on va écouter maintenant le reportage de Manon. Que vous avez fait avec moi. Oui. J'aime un garçon qui s'appelle nulle part. Il dit que le plus beau moment de la vie c'est vers nulle part. Vers nulle part, vers nulle part, vers nulle part, vers nulle part, vers nulle part. Vers nulle part, vers nulle part, vers nulle part, vers nulle part, vers nulle part. J'aime un garçon qui s'appelle. J'aime un garçon qui s'appelle vers nulle part, vers nulle part. En fait, mon histoire a commencé à la période de Noël. Et ce soir-là, il y avait le grand brin ténébreux, air timide et mystérieux. Je sentais que ce mec, il imposait quoi, il parlait pas beaucoup. Je sentais en moi un sentiment qui se développait. Et puis au fur et à mesure, on se voyait encore dans d'autres petites soirées. Ben, c'était pour moi peut-être un coup de foudre. Au fur et à mesure, j'ai eu ce que je voulais, quoi. Je l'ai retrouvé, s'est retrouvé dans son lit. Donc nous sommes passés au côté charnel, si je puis dire. Et en étant à deux chez lui, à parler, il s'est ouvert à moi. Et j'ai très vite compris qu'il n'avait pas grand-chose à me donner. Il m'a dit tout de suite qu'il n'était pas prêt à s'engager. Mais ça va pas, non? Je lui ai dit que le peu qu'il avait à me donner me comblerait. Mais en somme, plus loin, c'était peut-être déjà perdu d'avance, ouais. Je ne me suis pas écoutée, et pas mes sentiments, et j'ai foncé, quoi. Eh bien, ça fait 4 ans. Maintenant, je voudrais l'oublier. J'ai oublié de l'oublier, mais j'ai maladie qui touche les enfants de 7 à 77 ans. C'est une maladie terrible. Et on ne sait pas pourquoi on tombe sur cette personne-là. Pour moi, l'amour dure éternellement. Mais ce qui dure au maximum 3 ans peut-être, c'est l'attirance physique. C'est un sentiment qui ne sert pas à grand-chose. Oh là, grande question. Le respect. La confiance. Le partage, à part nous rendre dépendants de quelqu'un d'autre. C'est un sentiment, sans plus. Ça peut être bien, on peut sortir, parler, aller au cinéma, au restaurant. C'est ce qui caractérise l'être humain. C'est un des états qui nous différencie de l'animal. C'est une évidence humaine à laquelle tout le monde aspire et à laquelle personne n'échappe. Loïc, pour toi c'est quoi l'amour ? T'es trouvé la bonne personne et essayer de la connaître, de l'inviter une fois au restaurant, au cinéma, et voilà, et de savoir, la bonne personne, on a fait le bon choix. Et on l'invite juste une fois ou deux au restaurant ou on peut l'inviter jusqu'à la fin de notre vie ? Ça marche bien, on peut recommencer. Ah, ok. Ça marche bien, on peut inviter notre copine à dormir ou aller en vacances ou aller au cinéma et voilà, passer des beaux moments ensemble. Et toi, t'as une copine ? Ça en a fait une. Et t'en as plus ? Non. Non. Pourquoi ? T'es triste ou t'es content ? C'est mieux ? Ça ne sait rien, elle est partie, voilà. C'est la vie ? C'est la vie, t'en retrouveras peut-être une autre plus tard. Manon, oui. Tu as fait un reportage avec les Rouspétards. Moi, oui. Je me présente, hein, c'est Zoé, je suis la femme de l'ombre. Mais en fait, il y a très longtemps, au début de l'année, on avait invité Manon. Enfin, Manon, j'avais rencontré Manon et Manon m'avait dit « Oh, je dois faire un reportage sur l'amour ». Et alors, j'ai demandé à mes amis journalistes les Rouspétards s'ils avaient envie d'aider Manon. Et alors, on s'était rendu compte que vous aviez deux conceptions de l'amour différentes. Et c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui. Toi, c'était vraiment l'amour, t'en avais ras la casquette. Et les Rouspétards, eux, ils disaient « Mais enfin, Manon, elle va pas bien, c'est pas comme ça qu'on conçoit l'amour ». Et c'était un peu cette idée, c'est pour ça qu'on t'a invité. C'est pour confronter nos visions de l'amour, la tienne et la nôtre. Est-ce que tu peux nous parler de ta conception de l'amour ? Peut-être qu'elle a un peu changé et qu'elle va mieux, mais en tout cas, en début d'année, j'ai vraiment voulu mettre en avant le fait que quand on aime, on souffre parce qu'on se met de côté, on fait passer l'importance de l'autre avant notre importance et plein de choses qui déboulent sur finalement un peu une autodestruction qu'en plus on passe sa vie à chercher, donc c'était un peu l'absurde de passer son temps à chercher quelque chose qui finalement va nous faire quand même du mal. Donc c'était un peu ce côté-là que j'avais envie de mettre en avant, mais après ce n'est pas une généralité évidemment, bien sûr. Alors nous on va te faire découvrir notre conception de l'amour tout à coup. Cool. D'abord on a fait quelques micro-trottoirs, Michel, c'est passé ça ? Sur l'amour, Julie, Loïc et moi. Amour, sexe, aime pas compte. Amour, sexe, aime compte. Amour, sexe, aime compte. Pensez, comment vous faites pour attirer un garçon pour son frère ? Il est fou amoureux de vous. Comment est-ce que je fais pour attirer un garçon pour qu'il soit fou amoureux de moi ? Oui. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai attiré mon mari parce qu'on travaillait ensemble. Et donc, on a fait beaucoup de calculs ensemble et ça l'a séduit parce que je calculais mieux que lui et voilà, et donc je l'ai attiré comme ça. Les bisous, le gros câlin, important pour vous. Est-ce que c'est important les bisous et le gros câlin? Oui, c'est important, mais c'est pas le plus important. Mais prends les pilules alors. Ah oui, bien sûr. Mais ce que je trouve très important, c'est plus qu'on soit très amis. Ah, je suis contente, heureuse. C'est fier. Parfait. Félicitations. Merci. Si vous gardez un enfant comme nous, qu'on connaît trisomique, vous le gardez ou pas ? Ah, ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu le cas et donc je ne me suis pas vraiment posé la question. Mais ça ne me poserait pas de problème en tout cas. Comment vous faites pour une fille comme vraiment amoureuse de vous ? Je dois dire qu'en général, je suis assez timide. Et c'est plutôt elle qui fait sentir qu'elle éprouve de l'attirance pour moi. Et j'ai plutôt en général suivi que pris l'initiative. Bisous, le croquelin, est important pour vous. Oui, bien sûr, c'est important, mais je suis quelqu'un d'assez, enfin j'espère, sensible. Donc pour moi, les sentiments, c'est important aussi. Voilà. La poésie. Pourquoi j'ai une femme pour vous ? Qu'est-ce que c'est une femme pour moi ? Oui. D'abord, c'est la différence. Oui. Hein, c'est un sexe différent. La sensualité. Oui, la poésie encore. La beauté. L'intelligence, l'humour. Je dirais que c'est une femme. C'est, au fond, c'est comme un homme, sauf que c'est une femme. Donc c'est, mais c'est différent. Voilà. Les deux différents. Voilà, la différence. Bonjour. Vous voulez savoir si vous gardez un enfant comme nous, qu'on est trisomique ou pas ? Ça, c'est une question importante aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. Je vais répondre franchement. Peut-être oui, peut-être non. Mais il faudrait que je sois confronté à la situation, que je sois parent d'enfants trisomiques, et enfin, que la possibilité se présente. Mais... Pensons maintenant. Je peux te poser une question ou deux sur le set. T'en fais pas, ça va pas te faire mal. Tu verras. Alors, la première question. Tu étais plus petit. À quel âge t'as embrassé un garçon sur la peau ? À quel âge j'ai embrassé un garçon sur la bouche ? Oui. Je dirais à 12 ans, peut-être, la première fois. À 12 ans. Mais j'ai pas mis la langue. Ou à l'école, ou... Dans ta somme, à la maison, à une fête ou... À l'école, à la récréation. Il était comment le garçon ? Il était petit Il s'appelait Dimitri, il était très grand, il était blond et il avait des bonnes joues d'hamster qui a rempli ses bajoues pour l'hiver, comme ça. Et il était très gentil, il aimait la musique rock que j'aimais pas du tout. Voilà. À quel âge tu as eu tes relations sexuelles à plus tard ? 17 ans. C'est quoi pour toi le premier baiser ? C'est quoi pour moi le premier baiser ? Je dirais que c'est quand une fille et un garçon s'embrassent pour la première fois. Pas avec la langue, mais avec la bouche. Avec la bouche, et puis parfois avec la langue ou parfois pas avec la langue. Mais il ne faut pas commencer tout de suite avec la langue, il faut y aller doucement dans la vie. Au début, il y a peut-être des adolescents qui trouvent ça dégueulasse. Oui, mais c'est un peu dégueulasse parce qu'on échange nos baves et c'est un peu dégueu. Mais c'est beau, mais c'est dégueu. Ouais. Et l'amour, c'est toujours beau. Exactement. C'est dégueu, mais c'est beau. On va écouter un reportage, Michel ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Ça parle d'amour, de sexe et de brocante, il me semble. Les brocantes. Et ça se passe au marché aux puces. Et je crois qu'il y a Anna et Arnaud qui se font interroger. Et en plus, je dois vous annoncer quelque chose, chers auditeurs. Michel, la présentatrice de cette émission, va nous chanter une chanson à la fin du reportage. Et Michel, ouais. C'est qui ? Michel, c'est moi. Coucou. Wow. Et voici le reportage Amour, sexe et brocante. Amour, sexe et brocante. Amour, sexe et brocante. Amour, sexe et brocante. Je m'appelle Anna et je suis au chômage. C'est pas évident, mais ça va quand même. Chômer, ça va, c'est gagner des sous qui est plus difficile. C'est un peu des fois angoissant, mais pas épuisant. Et est-ce que vous aimez faire le marché aux puces à la brocante ? Oui, j'aime bien. Est-ce que vous achetez des foulards, par exemple ? Pas tellement, j'achète pas grand-chose en ce moment. Je me promène seulement à la brocante. Ouais. Que vous achetez des choses en particulier que tu collectionnes ou pas Non, pas grand-chose, je fais les poubelles plutôt. Il y a des trucs intéressants dans la poubelle, quoi. Oui, ça arrive. Et quoi, par exemple ? De la vaisselle, des cartes postales, des trucs comme ça. Vous avez déjà un petit copain ? Oui. Pour la première fois, où vous avez eu des relations sexuelles pour la première fois ? Dans un lit. T'as un copain ? Oui. C'est quoi pour toi le premier baiser avec ton copain ? Avec mon copain de maintenant, dans un lit en Bretagne. Ah, c'est un beau voyage, ça. Oui, c'était un beau voyage. Oui, oui. Et à l'école? Comment ça? Le tout premier baiser à l'école derrière une poubelle dans la cour de récréation. Et lequel vous avez préféré? Je me souviens pas. Je me souviens plus vraiment de mon premier baiser à l'école. Et c'était à quel âge? C'était à l'école primaire. Pas 7 ans. Sur la pouce? Oui, oui, sur la bouche, bien sûr. Qui a embrassé avec la langue? Avec la langue, oui, aussi. Est-ce qu'il y a des puces au marché ou pas? Des puces au marché aux puces? J'en ai jamais vu. J'espère ne jamais en voir. Pourquoi ça s'appelle comme ça, alors? Parce qu'il y a quand même des chances d'attraper des puces dans les vieux vêtements. Vous faites ça pour quelle radio? Radio Campus. Campus, d'accord. Amour, scène. Aime-brocante. Amour, sexe, aime-brocante. Amour, sexe, aime-brocante. Bonjour, bonjour, Arnoul. Bonjour. Je m'appelle Muriel de Rouspétard. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie. Voilà. Eh bien, dans la vie, je travaille avec à mi-temps. À mi-temps, c'est quoi? À mi-temps, c'est que je travaille la moitié du temps. Moitié du temps? Voilà. Et c'est pas facile, hein, ça? Si, si, c'est bien, ça laisse du temps. Si ça vous réveillez le matin. Libre. Mais je dois me réveiller le matin parce que j'ai un petit gars pour le conduire à l'école, mais sinon je travaille à mi-temps. Et voilà ce que je fais dans la... Et puis l'autre mi-temps, je fais des trucs que j'aime bien de faire, comme me promener ou... Ah oui. Aller à la piscine ou... Ah ben, est-ce que vous aimez nager, je vois? Oui, j'aime bien de nager, oui. Est-ce que vous aimez la brocante? Oui, j'aime bien la brocante, oui. Il y a la piscine d'ailleurs juste à côté de la brocante, elle est là, oui, juste là. Ah d'accord, donc, ok. Il y a à la fois la piscine qui, que nous on aime bien et la brocante. Mais je vais parfois à la brocante, oui, parfois. Vous achetez quelque chose? Parfois j'achète des choses. J'ai déjà acheté des meubles, j'ai déjà acheté des vêtements. Bah, j'avais besoin d'une armoire alors... Est-ce que vous êtes timide? Oui, un petit peu, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Et vous? Moi, deux fois, oui. Et je pleure quand il y a quelqu'un. Quand il y a quelqu'un qui se fâche, je pleure. Moi, je ne pleure pas, mais je sue. J'ai comme ça, j'ai mon front qui devient tout mouillé. En dessous de les bras, ça devient tout mouillé. Moi, donc, je suis assez timide aussi. J'ai eu ça vendredi. J'étais transpiré tellement que j'avais le cœur qui s'emballait tout le temps. Je voudrais pas vous déranger, mais on fait un reportage sur amour, sexe et brocante. Pardon. Amour, l'amour, sexe et brocante, c'est pour pas ça. Pas du tout timidité, suer et piscine. Hein, ce sera la semaine prochaine. Bref, je sais pas pourquoi ça s'appelle le marché aux puces, ben, mais ce que je sais, oui, c'est que parfois il y a des mythes dans les vêtements qu'on achète. Ah oui, ça j'aime pas. Donc peut-être que ça devrait s'appeler le marché aux mythes. Oui. D'autant plus que je pense que c'est un endroit où il y a beaucoup d'histoires, où ils racontent beaucoup d'histoires, on négocie les prix, on se raconte des petites histoires, et puis on revient au prix. Tout ça, ça tient du mythe, somme toute. Donc, à mon avis... C'est le marché au mythe. C'est le marché au mythe, ouais. Donc vous pourrez appeler le marché au mythe, quoi. Et on pourrait dire, je pense, ouais. Est-ce que vous arrivez d'avoir une grosse bête dans le vêtement? D'avoir une grosse? Une grosse bête dans le vêtement. Mais je passe les vêtements à la lessive avant. J'ai déjà vu une grosse bête, elle est venue vers moi. Elle criait. Oh. Et il y a l'oreille qui criait. Et ça me chatouillait dans tous les bras. Ah oui, non. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Ouais. Ouais. C'était pas très gay à voir. Non, hein. Non. Une grosse bête qui a des cheveux. Oh, j'aime pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous avez une copine? Mais oui, vous l'avez parlé déjà, ma copine, c'est elle en fait. C'est Anna. À l'école, votre premier PC, c'était avec qui? Vous étiez... Vous voulez dire premier baiser dans... Pas dans la vie, premier baiser à l'école. Ah oui. C'était une fille, j'étais amoureux d'elle. J'étais dans une... Mais j'étais dans une école, dans un parc. Et alors, c'était pas tout à fait à l'école, c'était dans le parc. Après l'école, on a pu faire un beau baiser, oui. Elle était amoureuse de vous? Elle était amoureuse de moi, et moi très amoureux d'elle aussi. Et après, vous êtes séparés? Plus tard, oui, bien après. Quoi, tout premier baiser? Mon tout premier baiser, vous voulez dire sur la bouche? J'ai attendu beaucoup. Hein. Je croyais que ça arriverait jamais. Je croyais qu'il n'y aurait jamais une fille qui voudrait bien m'embrasser sur la bouche. Moi, j'avais très envie de rencontrer une fille pour lui faire un bisou sur la bouche et voir ce que ça faisait. Je grandissais, ça venait pas. Et un jour, j'ai quand même rencontré une fille apparemment je lui plaisais. C'était en vacances en Autriche, de ski. Et bon, un soir, on est allé manger des trucs dans un bar ou je sais pas quoi. Et puis on est rentré à la maison. Enfin, à la maison où on dormait, c'était un espèce d'hôtel. On est descendu à la cave. Je sais pas pourquoi, à la cave. Et alors là, ça, c'était mon premier baiser. J'étais très content. Mais on ne s'est pas revus après. Mon premier baiser à l'école, c'était mon premier baiser avec une fille où vraiment, c'était de l'amour. L'autre premier baiser de ma vie, c'était juste, j'étais content, mais c'était pas encore de l'amour. C'était que j'étais jeune et je croyais, c'était de devenir plus grand. C'était pas tout à fait technique, c'était l'inconnu. Et en fait, après l'inconnu, c'est devenu de l'amour avec une autre fille, c'est ça. Incroyable. Le plus incroyable, vous avez fait l'amour. C'est... Oh là là, je suis très timide, je ne sais pas répondre, je suis pas très foufou sur les endroits de faire l'amour, à vrai. Je n'ai jamais fait l'amour dans un endroit où c'était pas doux, agréable, où j'avais pas la sensation d'être un petit peu à l'abri des regards, etc. Bonjour Alan. Bonjour. La première fois que je fais l'amour, je fais ça dans une voiture policier ou c'est pas moi. Dehors, dans un parc ou dans le bois? Non. J'ai fait ça normalement la première fois, pas dans une voiture de policier et pas dans un parc. Pourquoi tu vas dans une brocante? Tu ouvres tes costumes, tu te promènes dans une brocante ou tu achètes tes costumes? Je fais les deux, je me promène et si je trouve une bonne affaire pas chère, eh ben là je l'achète, pourquoi pas. Et tu marchandes? Et je marchande, oui, bien sûr. Ouais, pour moins. Pour avoir moins, pour que ça coûte moins, oui. Et ça marche bien? Et ça marche bien. Il faut savoir marchander, mais ça marche bien. Plus ou moins? Pour que ça coûte moins. Ah ouais? Ah ouais, sinon c'est pas logique. Ah. Bonjour. Coucou chouchou. Ça va chouchou? Ça va et toi? Ça va. Moi je pose une question. Vas-y. Pour le prix à la brocante. Ouais. Alors le prix à la brocante, ça normalement c'est moins cher parce que souvent les objets ont déjà été utilisés. Et du coup, ils ne peuvent pas les revendre au prix auquel ils ont acheté l'objet. Donc, c'est moins cher. Ça, c'est les prix à la brocante. Ça répond à ta question? Je suis bien content. Moi aussi, je suis bien contente. Et voici Julie qui s'approche du micro, qui va peut-être poser une question. Elle hésite. Julie. Vas-y. Non, oui, non. Oh. Ah. Presque. Oui. Presque. Attention, Julie au micro. Julie des Rouspétards. Bonjour, la belle Julie. Je ne sais pas, je suis debout, moi. Je ne peux pas. Alors, chers auditeurs, il se passe que Julie ne pose des questions que assise, mais elle est debout. Donc voilà, chacun son truc. On va te chercher une chaise, j'arrive. Et en attendant, on va peut-être écouter un reportage. Alors, nous retournons, cher Michel, où ça exactement? Au marché aux puces. On a rencontré Caroline et Gwen en parlant de l'amour. Amour, c'est... Amour, sexe, brocante. Amour, sexe, brocante. Bonjour, comment vous appelez? Ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Rien du tout. Je me repose. Je suis fatiguée, je suis vieille. Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Parce que je suis vieille. Ah bon? Et de quel droit alors? De quel droit? Oui. Ben parce que j'ai travaillé toute ma vie quand j'étais jeune. Ah, parce que vous êtes fatiguée. Comment vous appelez d'abord? Caroline. Caroline alors. Moi c'est Muriel de Rouspétard. Je vous préviens déjà. Ben je voulais savoir si vous aimez faire le brocante, voilà. Ah oui, mais c'est pas moi qui fais les brocantes. Je suis ici, je m'assis, je suis fatiguée. Pour ma santé, pour les prix, vous faites plus ou moins? Non, moi je vends pas, moi. Je sais pas, moi, si les gens font plus ou moins. Je sais rien, moi. Et qu'est-ce que vous faites sur la brocante, alors? Ah oui, rien, je m'assis. Vous êtes là pour rencontrer des gens? Rencontrer les gens, pour parler. Comme je m'ennuie, comme Benjamin. Amour, c'est aime brocante. Amour, sexe, aime brocante. Amour, sexe, aime brocante. Comment vous appelez? Gwen. Gwen. Ah, c'est un joli nom ça, Gwen. J'ai jamais entendu ce mot-là. C'est Gwen à elle en entier. Waouh, génial. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gwen? Ouf, je sais pas, plein de choses. Je sais pas répondre en un mot. Vous êtes timide. Bah oui, c'est comme ça. Et pourquoi vous voulez pas parler à des journalistes? Mais je veux bien parler, j'ai répondu. Vous avez déjà été à la toute grande brocante de Lille? Oui, à la braderie de Lille, oui. Mais c'est plus une braderie qu'une brocante, c'est oui, des millions de gens en rue, c'est pas très très sympathique, c'est trop de monde pour moi. Mais moi je préfère les plus petites brocantes. Oui, les brocantes de quartier. De quartier ou de village, ouais. Vous avez une copine? Pas pour le moment, je crois pas, c'est pas très clair. Où vous avez commencé les relations sexuelles? Dans un lit ou dans un hôtel ou sous un pont? Où? Sur l'escalier du parvis de Saint-Gilles. Qu'il n'a pas de copine, en profite bien, mais je vais quand même te poser une question. C'est quoi pour toi pour le premier baiser? C'était avec une fille qui était à l'école, chez elle. Et vous avez fait où? En haut ou en bas? Dans la chambre ou dans le salon? Dans la chambre ou dans le salon? Oui. Dans le salon. Hein? Et toi, ton premier baiser, c'était comment? Bien. Et on s'est fait à une pièce de jeu il y a quelques années. Et sans les copains, et sans les professeurs. À l'école, on pouvait pas nous s'en placer. Alors on a fait ça quelque part, personne ne nous voyait. Et voilà. Est-ce que c'était plus intense parce que c'est quelque chose qui est interdit? Oui, on pouvait pas aller à l'école. Alors on a un peu profité, voilà. Moi, mon premier baiser, c'était pas à l'école. C'était un endroit qu'on est parti à la mer et qu'on a regardé le match de foot. Quand c'était la mi-temps, on s'est embrassé. Avec qui? Avec un copain qui est avec nous au centre. Et tu avec Yas? Je ne sais plus. En fait, moi mon premier baiser, c'était avec mon amoureux. On s'est rencontrés au bal et on s'est embrassé sur la bouche. C'était pas gay à voir, mais bon, je sais que c'est interdit de faire ça, mais bon, ça arrive parfois. C'est interdit par qui? Si le directeur veut pas, bah chacun son choix. Ouais, il faut lui demander l'autorisation avant de faire un bisou. Oui. C'est pas très romantique, ça. Non, mais... Une fois, il m'a donné un bisou quand j'étais à l'école. Il m'a embrassé sur la bouche à l'école. Le directeur? Non, mon amoureux, quand j'étais à l'école. Et c'était gay. Et alors, on a dansé des slow ensemble. Quand j'ai dansé le slow, il a commencé à m'embrasser là. Est-ce que t'as déjà rencontré quelqu'un dans une rencontre? Quel genre de rencontre? Je sais pas, avec ta pote. Rencontre avec capote dans une brocante? Non. Mais pendant un moment, je faisais des brocantes avec mon amoureuse à l'époque. On vendait. On allait trois fois par semaine faire des brocantes. Ah oui? Et on rencontrait plein de gens sur les brocantes. Ah. Pas avec capote. Non. I'm gonna Et nous revoilà en direct. Et Julie s'est assise, elle a trouvé une chaise. Oui. Du coup, elle avait envie de raconter une histoire. Vas-y Julie, on t'écoute. Merci Manu, Gabriel et moi. Moi j'ai 2 ans ensemble. C'est important pour moi, je prends les pilules. Je prends les plaquettes. C'est important pour moi, je fais l'amour à Louis. Mais donc tu fais l'amour en toute sécurité, c'est très bien. Je l'aime vraiment, Gabriel. Ça c'est l'amour? Oui, je pratique très bien. Je l'ai pressé à fond. Je vais voir demain soir, je vais voir Gabriel. Je l'aime vraiment toujours. Une grande femme maintenant. J'ai mal au ventre, j'ai mal réglé. Une grande femme maintenant. Et une fois par mois, c'est très bien, mais ça prouve que tu es en bonne santé. Donc félicitations. Merci. À Julie. Moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu as déjà trouvé l'amour, un amoureux, sur une brocante en train de chiner? Est-ce que vous vous êtes croisés sur une brocante ou pas? Quand on chinait sur la brocante? Ouais. Eh ben, oui. Je suis actuellement avec un garçon que j'ai rencontré sur une brocante. Ouais, donc ça tombe bien qu'on en parle parce que c'est un bel hasard. Ouais. Et donc aujourd'hui, je sors avec Louis. Ouais. Et, j'ai rencontré Louis sur une brocante il y a de ça 2 mois. Il faisait très beau, on chinait, on se promenait et on est tombés amoureux l'un de l'autre. Ouais. Et la deuxième fois que tu as fait l'amour, c'était où? Pas dans un lit, ça se fait. Alors Loïc, l'indiscret, j'espère que je ne vais pas te décevoir en te disant que non, la deuxième fois c'était dans l'océan, en plein milieu de la mer. On avait perdu le bateau et il restait plus que ça à faire, donc en plein milieu de l'océan. L'océan Indien, j'entends. Et l'eau, elle n'était pas froide? Ah non, l'eau était très très chaude et il y avait des dauphins qui nous tenaient les pieds en dessous de l'eau. C'était un très beau moment que j'oublierai jamais. C'était romantique. Coucou Fouad. Coucou. Coucou. Coucou. Coucou Fouad. Coucou. En fait, je vais te parler de... que t'as un copain. Que t'as un copain. Oui, il s'appelle Louis. Il a quel âge? Il a 32 ans. Vous êtes sorti avec votre copain? Est-ce que je suis déjà sorti avec un copain? Oui. Oui, ça m'est déjà arrivé. Et que vous êtes allé au théâtre? Et oui, on était allé au théâtre, oui. Plusieurs fois. Le théâtre est romantique. Enfin, je trouve. Et au cinéma aussi. Au cinéma aussi. Et au restaurant. Et au restaurant aussi. Dans la vie, il faut toujours passer des beaux moments avec notre copine ou notre copain. Oui, aller au cinéma, au restaurant. Oui, et à la fin, ça va bien avoir des relations sexuelles. Oui, ouais, si ça se passe bien, on a le droit. Et après, le mariage. Et les enfants. Et voilà. Tout le la la la. Nicolas a une question. C'est bien qui? Un garçon. Louis. Louis que j'ai rencontré sur une brocante. Mais il n'y a pas que Louis, il y a quelqu'un. Louis. Mais non, il n'y a que Louis parce que... Non, et j'aime une personne à la fois. Louis, une fois. Et mort. Et toi un peu, mais c'est pas pareil. Ah, d'accord. On a fait un reportage. On était en maxi opus. Il a rencontré... c'est pas ça. Si c'est ça, Michel, c'est-à-dire qu'on va retourner au marché aux puces, parce qu'évidemment, nos reportages aujourd'hui tournent autour de l'amour, du sexe et de la brocante. Et tu vas nous présenter la suite, vas-y. C'est juste qu'on a rencontré Yana. Yana, voilà, c'est ça que j'arrive pas à le dire. Amour, sexe, une brocante. Amour, sexe, une brocante. Amour, sexe, une brocante. Comment vous appelez d'abord? Yana. Yana, c'est un joli nom, ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous aimez faire la brocante? J'adore ça. Et pourquoi vous aimez faire ça, alors? Ben, parce que mon métier le demande, justement. Je suis maquilleuse. Maquilleuse, c'est chouette ou pas? Ah, c'est super chouette. Ouais, c'est génial. Pourquoi vous achetez du maquillage ici, vous? Bah, alors, j'achète pas de maquillage en brocante, j'achète des petits accessoires pour porter le maquillage. Pour porter, alors? Oui, voilà, pour habiller un peu le maquillage pour qu'il soit plus joli, qu'il soit plus beau, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Je suis intéressée à des locations, soit location des chiens, soit des casquettes, des timbres, Sur des voitures formulaires. Les collections. Ouais. Oui. Alors, moi, personnellement, pas, mais dans ma famille, on collectionne pas mal, notamment des estampes japonaises et des BD. Ah, donc, on peut faire des bonnes affaires aussi sur les brocantes, trouver des premières éditions en noir et blanc, pour pas cher, parce que les vendeurs ne savent pas toujours ce qu'ils vendent. Je voulais poser une question. Est-ce que c'est possible de trouver l'amour dans une brocante? L'amour de sa vie dans une brocante. Je crois qu'on peut trouver l'amour partout. Et oui, peut-être particulièrement dans une brocante, puisqu'on est quand même là pour fouiller. Voilà, trouver des occasions en or, du recyclage, il y a un homme à recycler. Est-ce que vous en risquez de faire tout ça en même temps, tu vois? De tomber amoureuse et d'acheter des choses de seconde main en même temps. Ouais. Bah oui, parce que je tombe amoureuse des objets que je trouve. Et que vous aimez marchander aussi? J'adore marchander. Je suis très dure en affaires. Ouais. Faut pas se laisser avoir, attention. Moi, un peu ou énormément ou beaucoup pour ma santé? Je marchande pas pendant des heures. Si on me dit non, on me dit non. Alors je prends un petit air hautain comme ça et je m'en vais. Alors on me rappelle, madame, c'est bon, hein, ne reprenez-le. Alors qu'il demandait 10 euros au départ. Est-ce qu'il se fâche de voir? Ou pas? Non, ils se fâchent pas, mais parfois les vendeurs aussi doivent gagner leur vie, donc il faut pas essayer de les arnaquer non plus, il faut trouver un juste milieu entre ce qu'on est prêt à donner et ce qu'ils nous demandent. Donc c'est pas évident si je comprends bien. Ça dépend, parfois c'est très facile et on repart chez soi super content, on a fait une super bonne affaire et le vendeur a enfin vendu un truc dont il essayait de se débarrasser depuis longtemps. Et puis parfois, on rentre à la maison bredouille. On n'a rien trouvé. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que... Nous sommes dans un marché aux puces et qu'il y a des puces au marché aux puces? Oui, il y a des puces au marché aux puces. Et pourquoi il y a des puces au marché alors? Bah parce qu'en général, tous ces objets, ces vêtements, là je suis même tombée sur un lot de perruques et je me suis dit, il va falloir les désinfecter ces perruques, quoi. Bah c'est chouette tout ça. Bah j'étais contente de vous interviewer, merci. Ah bah j'étais très contente beaucoup. Que vous m'interviewez également. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée à toi aussi. Super. Et vous venez de quel centre? Nous sommes dans un centre de jour qui s'appelle le Platane. Oui. On travaille beaucoup au Platane parce que c'est notre boulot et c'est pas facile de travailler avec les éducateurs qui nous entourent tout ça. Donc, ils vous font faire plein de choses alors. Ouais, moi le vendredi quand je suis à la radio, je suis contente d'être avec eux. Quoi. C'est vraiment un beau Mais projet. Mais eux, ils doivent être super contents d'être avec vous aussi, à mon avis. Sûrement, oui. Et Fabrice, en tout cas. Et Cédric que je remercie. Voilà. Salut Cédric. C'est un beau projet qu'on fait maintenant. Vous avez eu des relations sexuelles dans une voiture de police? Dans une voiture. Écoute, il n'y a pas de risque, à mon avis, que je fasse ça dans une voiture de police. Les poulets, c'est pas mon genre. Donc voilà, je crois qu'on aurait des conversations politiques et on se disputerait tout le temps. Mais pourquoi pas, si un jour je devais me faire arrêter avec mon homme, on va étudier la question. Il y a une voiture de police. Pourquoi la dispute? Ah, si elle est ouverte, elle est abandonnée. Alors là, je fais sonner les sirènes, quoi. Et ça, vous, c'est sûr. Et vous, je vais faire un casse. Et vous le faites dans la voiture? Le fait dans la voiture, au-dessus, à côté. Merci. Menotté, attention, menotté. Pourquoi vous disputez à chaque fois alors? Non, je disais que je me disputerais si je devais faire l'amour avec un policier, peut-être, hein, ça dépend. Hein. Ça dépend quel sens. Si vous n'êtes pas d'accord. Voilà, si on n'est pas d'accord. Oui. Bon, on ne se dispute pas toujours quand on n'est pas d'accord, hein, mais ça arrive. Vous en profitez bien pour faire l'amour? Il y a des périodes où on en profite plus et des périodes où on en profite moins. Il y a des périodes d'abstinence où il faut être au régime. Parce que pour en profiter, il faut voir que ça manque. Hein. Si ça nous manque jamais, on en profite un peu moins bien. Qui a un amoureux ici? Moi. Oui. Moi j'en ai un qui s'appelle Sébac et que je suis fiancée depuis longtemps avec lui. Oh, super. Et ça se passe bien. Chouette. C'est mon amoureux et moi je le veux. C'est ton amoureux, toi tu le veux? Oui, parce qu'il a beaucoup de charme, beaucoup d'humour et beaucoup de gentillesse. Ah ben ça c'est le plus important, l'humour, la gentillesse et le charme. C'est un homme complet, on dirait. Amour, sexe, aime brocante. Amour, sexe, aime brocante. Amour, sexe, aime brocante. Alors nous voilà à l'antenne, avec Julie maintenant. Manu, oui. Je prends les pilules. C'est très bien. Mais pour toi, on prend les pilules. Oui, oui, oui, tous les jours à 9h. Pourquoi? Pourquoi? Pour se protéger, pour se protéger. Je fais l'amour avec quelqu'un. Moi? Oui, toi. Ouais, avec Louis. C'est Loïc. Louis. Louis. Ouais, Louis. Tout le monde qui rigole parce qu'il y a un Loïc autour de la table, donc c'est marrant. et donc voilà, oui, donc c'est très important de prendre la pilule. C'est un très beau message, Julie, à l'antenne. Profitons justement d'être à l'antenne pour le dire et le redire. Ah, je suis contente pour toi. Ouais. Je suis heureuse pour toi. Moi aussi, je suis heureuse pour toi. C'est quoi, je suis amoureuse de toi? Tu crois que t'es amoureuse de moi? Oui. Et je crois que je suis un peu amoureuse de toi aussi, Julie. Certain. Voilà, certain. Manon, je voulais savoir si tu sais garder un enfant comme moi, qu'on est trisomique ou pas. Si je le garderais, bien sûr. Bien sûr que je le garderais, je me poserais même pas la question. Mais pourquoi tu te protèges de la pilule alors? Mais parce que je suis encore un peu jeune pour avoir un enfant. Hein? Mais dans quelques années, ben, j'arrêterai ce que je voudrais un enfant. Et même s'il était trisomique, je le garderai, je l'aimerai de tout mon cœur. Merci, ça me fait plaisir. Oh, tu t'inquiètes pas pour ça. Ah, Alan. Alan. Manon, j'adore des câlins. Toi, t'adores les câlins? Non, toi. Moi, j'adore les câlins aussi, ouais. Et moi aussi. Mais ça tombe bien. Et tu fais amour pour le presser? Ah là là là là. Oui, bah oui, bah oui, vu que je me protège, et ben si je le fais, alors c'est par plaisir. Mais j'ai fait un reportage. Jean-Marc, Nabril et Vincent. Amour, sexe, aime, brocante. Amour, sexe, aime, brocante. Amour, sexe, aime, brocante. C'est quoi le marché aux puces pour vous? Un endroit où on se promène, où il fait bon vivre. Ah bah voilà, justement, c'était ça que je voulais vous poser. Ah bah donc, j'espère que ça te fait plaisir. Est-ce que vous aimez faire les brocantes? Ah si, j'aime beaucoup. T'aimes beaucoup quoi? Marchander aussi alors? Marchander? Marchander, c'est acheter des trucs, acheter des collections. Non, trouver des choses à bon tout prix. Ça. Vous aimez faire ça? Ouais, beaucoup. Ah ben moi aussi j'aime bien. Comment tu t'appelles déjà? Jean-Marc. Jean-Marc, ah ça a un joli nom ça. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie Jean-Marc? Je construis des décors pour le cinéma. C'est trop chouette quoi, c'est votre métier ça? Ouais, oui, tout à fait. Ah ben c'est du beau, c'est du joli, bah merci. Ah ben merci à toi. C'est quoi pour toi le premier baiser? Mon quoi? Ton premier baiser avec une copine. Oh, ça remonte à très loin. Et c'était pas le plus beau. Pourquoi? Oh, parce que c'était pas mon unique amour, il y en a eu d'autres après, et c'était aussi très chouette. Je pense que c'est la première fois, peut-être. Ouais, c'est toujours la première fois. Oh, ça c'est très beau ce que tu dis. C'est quoi pour toi la brocante, quoi? Eh ben, un endroit où on peut rencontrer des gens comme toi. Est-ce que tu chines beaucoup sur des autres brocantes aussi? Oh, ça dépend, c'est surtout pour me promener. Tu fais des brocantes en dehors de Bruxelles? Ça m'arrive à l'occasion, ouais. À mon sac, c'est brocante. Je me présente, je m'appelle Nabil. Et vous vous appelez comment? Je m'appelle Muriel Rouspétard, donc vous m'appelez juste ça. Ça va, enchanté Muriel. Je voulais savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie, quel est votre métier? Je suis cuisinier. Ah, est-ce que vous faites des collections de brocantes? Non, moi je suis là pour me promener, mais j'aime bien chercher des petites pièces uniques, comme des foulards par exemple. Des tuniques, j'en porte souvent. Vous portez souvent des tuniques? Oui. C'est génial ça. Vous avez une copine? Ah, je pense bien que oui, ouais. Yeah. Elle est d'ailleurs fort occupée. Toi, t'en as une aussi? Non, c'est pas encore trouvé. Est-ce que vous croyez que les puces ça gratte ou pas? Les puces ça gratte? Oui. Non, je pense que les puces c'est gentil. Nous, on gratte les puces par contre. Moi, ça me gratte par contre. Si j'en ai, ça me gratte partout quand même. Hein. Non, faut l'accueillir correctement. Une puce, c'est comme une petite araignée. Faut pas en avoir peur. C'est pas une araignée, c'est juste une puce quoi. C'est pas ça. Tant que ça reste une petite pupuce, ça va. C'est quoi pour ton premier baiser? Je crois que c'est ma maman qui m'a donné mon premier baiser, je m'en souviens pas. Je pense qu'on a tous eu cette chance une fois de se faire embrasser par l'être le plus cher, c'est-à-dire nos mamans. C'est moi qui est mignon, ça, merci. Comment vous rencontrez ta petite copine? Oh, facile, j'étais à ce moment-là poissonnier, elle ne faisait que passer, puis je lui ai dit bonjour, et puis on est parti boire un café, puis... Voilà, quoi. Comme le début de chaque bonne histoire, quoi. Un coup de foudre, non, un petit coup de tonnerre, oui. Un coup de foudre, je l'attends encore, le coup de foudre. Ah, ouais. Faut être patient. Et alors, pour être patient, ça veut dire que vous attendez. Que j'attends qui, exactement? Bah, c'est... Le coup de foudre? Oui. Oui, non, c'est normal, parce que si on est foudroyé, on ne sait plus bouger, on est immobilisé. C'est toujours bien d'avoir un peu de liberté. Est-ce que... Je voulais pas vous embêter, mais je sais chanter des chansons, vous savez ça? C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Je chante comme Grégoire ou Patrick Bruel et tout ça, donc... cassez la voix, cassez la voix, cassez la voix, cassez la voix. Ok, ça c'est bon ça. Amour, c'est... Aime brocante, amour, sexe, aime brocante, amour, sexe, aime brocante. Bonjour Vincent. Bonjour. Comment ça va? La forme, la pêche? Bah oui, quand je vous vois, j'ai la pêche, hein. Est-ce que t'aimes bien promener? Promener? J'adore me promener dans la ville et découvrir la ville, oui. Les brocantes? Elle a marché aux puces, t'aimes bien? J'adore le marché aux puces parce qu'il y a des scènes de vie, tu vois, il y a de l'animation. Quand je me lève le matin, moi j'habite juste à côté, j'aime bien de voir qu'il y a des gens qui vendent, des scènes de vie, il y a de l'animation, quoi. Qu'est-ce que t'aimes bien comme animation? Comme animation? Oh ben écoute, j'aime bien de voir des gens comme vous qui arrivent sur le marché, tu vois. Voilà, c'est ça. Ça met de l'animation, tu vois. Moi je te vois, mais je suis content pour la journée. Oui. Tu vois? Oui, c'est t'as ça. T'as un bon sourire, ben, j'ai oui. envie de rire aussi, quoi. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ben, en fait, t'as la chance, parce que moi, je rigole beaucoup. Tant mieux. Je suis un peu timide quand on me demande des choses qui sont vraies ou bien qui sont pas vraies parfois. D'accord. C'est chouette. Est-ce que vous faites des collections aussi? Des collections de femmes, ouais. Et pourquoi deux femmes? Oh, parce que j'aime bien les femmes. Hein. Bon, ça me coûte cher, mais... Vous avez beaucoup de femmes? Oui, j'essaie d'en avoir le plus possible. Comme toi, et toi aussi? Pourquoi? Bah, j'aime bien les femmes. Hein. J'aime bien changer, tu vois. Le matin, une, l'après-midi, une autre, le soir, une autre. Comme ça, elle m'ennuie pas. Quand j'en ai marre d'une, je change, quoi, tu vois. Ils sont cracottes, non? Elles sont quoi? Ils sont cracottes, les femmes. Ah, ça, je crois, elles sont cracottes. Vous avez eu des relations sexuelles en dehors d'une voiture de police? Autour d'une voiture de police? Non, en dehors. Non, dans une voiture de police. Ah, oui. Ouais, avec une policière. Une fois, elle m'a arrêté. Et puis ça s'est bien passé. On a eu du sexe dans la voiture, quoi. Mais ça, il faut rien dire, hein. C'est top secret, ça. Merci. Et dans un hôtel aussi? Ouais, mais j'aime moins dans les hôtels. Hein. Ah ouais. Je préfère dans les voitures de police, quoi. Moi, je trouve que c'est une femme, pas plus. Une femme, pas plus. Et ça dépend les périodes. Tu vois, il y a quelques périodes dans l'année où j'aime bien une femme, l'hiver. Hein, une femme. Mais en été, les femmes sont belles, mini-jupes. Il y en a plein sur le marché, alors moi, j'y vais, quoi. J'hésite pas, hein. Et toi, tu préfères un amoureux? Oui, moi j'en ai. Et ça fait 10 ans qu'on est ensemble, il s'appelle Bernard. Et c'est toujours le même? Oui. Ah, mais c'est bien aussi, hein? C'est mieux garder une personne qui est fidèle. Ah ouais, c'est pas mal aussi. C'est un choix dans la vie, quoi. Ça. Mais c'est bien. Si tu as une petite copine, c'est quoi ton premier baiser? C'est un peu difficile à dire. Mon premier baiser, je pense que c'est à l'école, en classe. Je m'ennuyais parce qu'à l'école, souvent, les profs, ils disent n'importe quoi. Et alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais draguer la petite copine qui est à côté de moi et on s'est embrassé. À quel âge? Oh, je sais pas, 10-12 ans, quoi. Ah, mais t'as ça commence. Oui, c'était un cours de quoi? Il y avait quoi comme professeur? Ah, mais je crois que c'était un cours de français, hein, parce que je n'aime pas tellement les cours de français, et alors je me suis dit, allez, je vais draguer les filles, quoi. Vous attendez une paf après? Non, elle a continué à m'embrasser après. Ah. Oui, ça s'est bien passé. Vous voulez savoir la question délicate, vous pouvez poser une question. Oui. Si tu veux garder un enfant comme nous qui connaît trisomique ou pas. Est-ce que si j'avais un enfant, bien sûr que je le garderais, évidemment. Vous êtes si charmant, vous êtes toute souriante, que je ne vais pas dire non, évidemment. Évidemment. Pourquoi tu crois qu'il y a beaucoup de gens qui vous abandonneraient? Non, je crois pas. Non, mais je crois pas. Hein. Non, mais vous êtes super. On ne nous abandonne pas comme ça, quoi. C'est pas gay de nous abandonner. Ben non, bien sûr. Mais moi, j'ai vraiment pas envie de vous abandonner si j'avais un enfant comme vous, ça c'est sûr. Merci, ça me touche. Ok. Est-ce que vous aimez avoir un enfant, Vincent, ou pas? Non, pas pour le moment, parce que j'ai envie d'être libre encore. Tu vois, j'aime bien de voyager. Alors, tu vois, maman, si demain je me dis, oh tiens, j'ai envie de voyager, je pars à l'étranger. Et quand t'as des enfants, c'est plus compliqué, quoi, évidemment, bonne idée. Tu vois. Et il faut pas en avoir, les enfants, c'est un peu embêtant. Ça pue, ça sent mauvais. Voilà. Et il faut, c'est un peu embêtant. Voilà, et c'est ça. Et ça sent mauvais. Si tu veux avoir un enfant, ce sera quoi? Un garçon ou une petite fille? Oh, je sais pas, ce qui viendra, tu sais, franchement. N'importe quoi. Je suis ouvert. Quel est ton chanteur préféré, toi, Vincent? Le grand Jojo. Ah ben moi aussi j'adore le grand Jojo. J'aime à tes verres la chasse, les tétés. J'aime à tes verres la chasse. Il fait tes verres la chasse. On a top, on a top. Ouais, génial, lui. Ça, c'est bien. Oh, c'est super. Ah ben, tu sais qu'il vient sur le marché assez souvent, hein, le grand Jojo, le dimanche. Ah oui. Ça aurait été bien que vous veniez l'interroger. Il était là hier. Bah, Vincent, j'ai fait une chanson sur les chaussettes avec Zoé. Et alors, Jojo, tu m'écoutes chanter les chaussettes, voilà. D'accord. C'est l'histoire de chaussettes qui se rencontrent. Et après, l'autre elle pue. L'autre est troué. Je la cherche. Mais je la trouve pas, cette chaussette. Elle m'énerve la chaussette. Elle m'énerve la chaussette. Où est-ce qu'elle va la chaussette? Mais je ne sais pas. Elle m'énerve la chaussette. Elle m'énerve la chaussette. Elle m'énerve la chaussette. Pourquoi je la mets cette chaussette à mes pieds? Tellement qu'elles sont douces. Pourquoi je la mets à mes pieds? C'est parce que ça m'ennuie. Ça m'agace la chaussette. Elle m'énerve la chaussette. Elle m'énerve la chaussette. Manon, est-ce que tu aimes bien les hommes qui ont les pieds qui puent les hommes? Qui puent les pieds? Oui. J'adore les hommes qui puent les pieds. Moi, je trouve pas que ça pue. Moi, je trouve que ça sent très, très bon. Et j'ai d'ailleurs créé un parfum. J'en profite d'être à l'antenne pour faire ma promo. J'ai créé un parfum qui s'appelle Pied qui pue. Et c'est quand on transpire, on prend le jus, on met tout dans une bouteille. Si tu veux, je te ferai sentir. Tu verras que, en fait, c'est une idée reçue. Les pieds qui puent, ça sent très bon. Donc, j'adore ça. Manu, oui. Le pied de puche. Ouais. Fromage. Le pied qui pue le fromage. Mais pourquoi? Pourquoi ça pue le fromage? Oui, quoi? Je dirais que, en fait, le fromage, c'est un peu du pourri, c'est genre du lait pourri. Et donc, si ça pue le fromage, c'est parce que des pieds qui puent, c'est les pieds qui ont pourri. Et du coup, ben, ça pue le fromage. Blah, c'est dégueulasse. Manon, Loïc, ça te fait quoi? Ton Louis, il pue, ça met tous. Et il y a tes vieux vêtements. comme un mendiant. Comme un mendiant. Oui. Eh ben, mais non, mais j'aime beaucoup en fait. J'adore ça. J'aime pas qu'on change de vêtements tous les jours. Je comprends pas pourquoi. On n'est pas obligé de se laver. Je pense que c'est la société qui nous a mis ça dans la tête. Mais enfin, moi, je pue et j'en suis fière. Alors, j'aimerais bien parler à Céline Mertens. Oui, c'est moi, je m'annonce. Coucou, t'es là, ça va? Oui, ça marche. Ça marche? Oui, ça marche. Moi, je t'entends, tu m'entends? Oui. Excellent. Alors, j'ai entendu dire que t'avais fait un reportage. Oui, j'ai un reportage avec Fabrice et avec Josanne. Mm-hmm. Et t'as aimé faire un reportage? Oui, j'ai aimé. Et c'est parce que t'avais pas pu aller à la brocante, en fait? Donc oui. Ça, c'est bien, c'est une belle initiative. Et t'as fait ça avec Fabrizio? Oui. Et c'est sur quoi? C'est l'amour. L'amour, le sexe et le background. Amour, sexe et brocante. Moi, je m'appelle Céline Mertens, le conspire encore plus, ton nom. Et moi, je m'appelle Josiane. Oui. C'est quoi, c'est la brocante? C'est quoi la brocante? Oui. Eh bien, pour moi, la brocante, c'est un endroit où on vend plein de broles et où tu peux, tout en te promenant, regarder, peut-être découvrir quelque chose auquel tu tenais ou bien que tu as... Je vais te citer un exemple. Tu vois, mon fils, quand il était petit, m'avait cassé un beau plat en verre. Et ce plat en verre, je ne l'ai plus jamais retrouvé nulle part. Et un jour, sur la brocante, tu vois, eh ben, j'ai retrouvé identiquement le même. Donc, tu vois, j'étais super contente de retrouver le même. C'est quoi, c'est l'amour de la brocante? L'amour de la brocante? Oui. Mais ça, c'est une passion, hein. Si tu as envie de retrouver quelque chose ou de collectionner quelque chose. Tu vois, moi, je fais la collection de poissons plats. Ouais. Donc, chaque fois que je vais à la brocante, je regarde s'il n'y a pas un autre modèle, d'une autre couleur, d'une autre forme. Et puis, je fais la collection d'un service BOC où il n'y a plus que quelques pièces. Et j'en ai déjà retrouvé quelques-unes. Et je continue à faire ça dans ce sens-là, que tu peux retrouver des pièces pour compléter mon service. C'est quoi le centre de pouce? Marché de puces. Pourquoi on appelle le marché aux puces? Mais parce que si tu veux, quand tu as beaucoup de broles dans ta maison, tu dis c'est un tas de puces, un tas de broles. Chez nous, on dit même pas puces. Chez nous, on dit des sourds. Tu vois? On appelle ça comme ça. Ça veut dire des choses que tu n'as plus envie de garder chez toi et que les gens viennent vendre et exposer. Mais ce qui ne te convient plus toi peut peut-être me convenir moi. Tu vois, c'est ça, c'est se débarrasser de ce qu'on n'a plus envie. Oui. C'est quoi le foot de ma crante? Foot de ma crante? Mais non, pas spécialement. Il y a des gens même très bien et très cultivés qui vont en brocante parce que si tu recherches des livres, si tu recherches des choses que les gens se débarrassent, parfois tu trouves des choses qui complètent ta personnalité. C'est pas parce que tu es fou que tu vas en brocante. Mais c'est gai quand même d'être fou et d'aller fouiller dans tout pour retrouver quelque chose dans les grandes caisses. C'est quoi c'est le chantier? Marchander. Marchander, ça veut dire qu'on te donne un prix et toi, tu n'es pas d'accord avec le prix. Donc, si tu dis 5 euros, le monsieur qui vend son objet, tu dis non, moi 3 euros, c'est bon. Et alors, parfois, le monsieur, il dit non, on va couper la poire en deux, 3,50 euros et des choses comme ça. Tu vois, c'est pas être d'accord sur le prix. C'est ça qui est gai, c'est de marchander. Comme quelqu'un a acheté des lampes. Des lampes. Sur le mur. Ah oui. Ah ben oui, bien sûr que celui qui a... Parfois, tu as l'occasion de trouver des belles lampes pour mettre sur le mur. Il y a parfois des petites choses qu'il faut réparer un peu ou qu'il faut astiquer un peu et qui sont super belles une fois qu'elles le sont, tu vois. Le plaisir, c'est ça, c'est d'astiquer des choses ou de trouver des choses qui sont belles, tu vois. Moi, par exemple, j'adore acheter des vieilles lampes qui ne marchent pas. C'est quoi, Papréso? Bah, des vieilles lampes qui ne marchent pas. Qui ne fonctionnent pas, qu'il faut réparer. La lampe de poche? Ah oui, des lampes de poche. Des vieilles lampes à huile, des vieux phares de vélo et toutes ces choses-là, quoi, tu vois. Des vieux manomètres, de chaudières. Le vélo, c'est quoi? C'est quoi le vélo? Oui. C'est quoi le vélo? Ben, le vélo... Oui, mais les lampes... Moi, j'ai toujours rêvé de trouver sur une brocante une vieille lampe, genre lampe d'Aladin. Ah oui. Tu sais, la lampe qu'on frotte comme ça. Et que... Alors moi, j'achète des lampes et je les frotte. Et alors, j'espère toujours qu'il y a un génie qui va sortir de la lampe et qui va me demander « Bonjour, je suis le génie, tu m'as libéré, alors tu as le droit de faire 3 vœux. » 3 vœux. Alors les gars, est-ce que vous savez que... Quand on dit son vœu tout haut, ça marche pas. Vous le saviez? Oui. Oui. Sauf que quand on passe à la radio, eh ben, si on dit notre vœu au micro, eh ben, il fonctionne. Alors je vous propose que pour clôturer cette émission, nous fassions chacun un vœu. Ah, mon feu, ah, c'en est tellement. T'en es, un seul. T'en es tellement. Mon vœu d'être hyper populaire avec toutes les autres filles. Être populaire et à chaque fois que tu passes dans la rue, on dit oh, c'est Loïc. Tu peux avoir un photo de toi. Être populaire. Près des filles du monde entier. Être vraiment populaire et passer à la télé, à la radio. Et tout le monde me dit, oh, c'est oui. Et moi, je dis, oui, oui, c'est moi. Tenez un photo de ça. Tous les mes éducateurs disent, oh, tu peux avoir une photo, une image de toi. Et je dis, oui, oui, oui. Voilà. D'accord. Moi aussi, je sais pas, c'est télé aussi, c'est téléfilm. Aja 4, Arthachon, France 2. Ok, TF1. France 2. Ok, France 2. Alan, un vœu? Un vœu, tu es amoureuse d'une fille, c'est tout. Mimi, un vœu? Mon premier vœu, avoir du talent et rester longtemps avec mon copain et te dire au revoir, Manon. Au revoir, Mimi. Et Fouad? Oui, mais j'ai dit que avec des jeux que j'ai fait des questions pour poser des interviews à des gens de Platane. Nicolas? Bon, je suis très content et je dis à bientôt. À bientôt, Nicolas. C'est un beau vœu. Voilà, merci. À toi, Benjamin. C'est de rester très longtemps avec ma chérie qui s'appelle Nora, de rester très longtemps avec elle. Et je te dis au revoir, Manon. Au revoir, Benjamin. Allez. Et pour finir, en beauté, demandons à Céline quel est son vœu. Ah, mon vœu. j'ai amoureux avec Ahmed et je croise le jeu avec lui et au revoir Mano. Au revoir Céline. Mais nous n'avons pas fini parce que nous avons aussi Benjamin qu'on n'entend pas mais qui fait beaucoup de travail en régie. Benjamin, quel est ton vœu? Alors, je suis avec ma copine depuis 2 ans et alors on a un projet et alors on va habiter au Bolet. Au revoir Manon. Au revoir Benjamin. Moi, capitaine Solo, je vous dis au revoir à la prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et pour le mois septembre. Au revoir mon poussin. Bisous au revoir, les poussins. Au revoir Manon. Au revoir, au revoir les poussins. Chouchou. Les rousses pétards, les rousses pétards, les rousses pétards, les rousses pétards. Les rousses pétards. Les rousses pétards. Les rousses pétards. Les rousses pétards. Les rousses pétards. Les rousses pétards. Les rousses pétards, les rousses pétards, les rousses pétards.